Est-ce que tu savais que Michel Field, ah oui, Michel Field, là, le journaliste, le philosophe, l'homme qui réfléchit avant d'ouvrir la mouche, a dit un jour, média nomade par excellence, émancipé de toute contrainte spatiale, la radio bouge. La radio n'est que mouvement. Sa seule voix, sa voix. Hey, c'est pas le générique, c'est une chanson! Une chanson, ça ressemble à un générique, une chanson. Aujourd'hui, oui, je bave, aujourd'hui, le lundi 7 septembre 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Fring, c'est moi. J'aime bien faire fring parce que ça fait très viril. Alors, je le reprends pour tous les amateurs de virilité extrême. Êtes-vous prêts? Fring! Bon, à part du fring, je voulais vous dire en tout début d'émission que nous vous proposons à partir d'aujourd'hui la nouvelle. Mes nouvelles rencontres, ma brochette. Encore là, je disais ça, je crois, l'année dernière aussi. Il faudrait que je change parce que mes invités ne sont pas des brochettes. Non. Mes invités, ce sont avant tout des gens qui m'intéressent et certains d'entre eux deviennent mes amis. J'en ai 40% de ces personnes que j'ai vues et revues qui se sont tranquillement posées dans la section amitié. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis un nouveau barbu. Ben là, on change de sujet. Ben, c'est comme ça, hein? C'est oui, on saute. Comme la puce. So. How do you feel after 5 million years, 5,000 years of raw wild dance and big pasha say? A bit tired, maybe, or still ready to contribute to the great destiny of Occidental dream? Stalking old people, children, and dead in fridges like old radioactive moustard. Mais là, avec une barbe de même, là. Tu sais, ce que vous pouvez pas savoir, madame, mademoiselle, c'est le plaisir d'en porter une. Je parle toujours de la barbe, là. Mais pas taillée. Faut jamais se la faire tailler. Je parle toujours de la barbe. L'intérêt, c'est de vivre avec quelque chose que l'on n'a jamais connu, qui vient de notre propre personne. J'ai déjà, pour ceux qui me connaissent visuellement parlant, j'ai déjà la touffe au niveau du sommet, du zénith. Comme disait Léo Ferré, l'ordinateur Neurosim, là, en haut, il y en a du poil. Puis, comme aussi mentionnait Monsieur Bellefeuille, François Bellefeuille, les cheveux qu'on aime, c'est toujours ceux-là qui partent avant, ceux d'en avant. Parce que ceux d'en arrière, on s'en balance, on les voit pas. Mais ceux d'en avant, ce qu'on aimerait beaucoup plus, c'est qu'ils résistent au choc de la vie, au choc des intempéries, un peu comme toutes les saisons, hein? Ça, je vais faire une analogie. Ah ben oui, analogie. Ça vient de lien, tu sais, c'est des petites boucles intellectuelles que je vais vous lancer. Oui, j'ai dit lancer parce que j'ai eu en même temps une petite remontée de gorlotte qui est malheureusement due à ma boisson gazeuse préférée qui est le... Mais non, c'est pas la bière, une boisson gazeuse. Pas... La bière, c'est pas une boisson gazeuse, madame, là. Pour vous, oui. Ah! Et puis l'eau, c'est quoi? C'est... ah, c'est du gros gin. Pas du petit, du gros gin. C'est quoi la différence entre un gin? Tu sais, mon père parlait de gros gin. On parle du gros gin. Pourquoi gros gin? On peut dire gros jambon, comme Réal Giguère le faisait. Gros jambon. Mais gros gin. Y a-tu du petit gin? Ça dépend de la grosseur du flocon. Mais entre vous et moi, je crois que sincèrement, ce n'était pas vraiment l'élixir qui remplissait la fiole, qui était du gros ou du petit gin. C'est le taux d'alcool. 40%, là, c'est pas n'importe quoi, là. La musique populaire, mère de la rue, se retrouve camisolée de force, signée trouée. Tous ces enfants revendus ne dansent plus, ne chantent plus, elle ne réagit plus. Les quelques bouche à bouche à l'air pollué que j'ai tenté l'ont laissée morte et nue. Seront partis. Tu es une des seules sur qui on pourra compter. Nous, être fragiles, écartelés, divisés, dévalisés aux cinq sens vidés de la sève mère des instincts. T'as fait cuire un feu mou, tu bouillonnais. Des champs chinois à feu doux enveloppaient le ventre des femmes passantes. Chavirait à l'odeur des sons, comme du vent frais sous leurs boubous sans nom. Les magasins de guitare t'ont violé, les festivals de jazz t'ont achevé. Amour et ange perdu, que j'ai voulu sauver ta peau. En criant, je ne te vois plus, je ne t'entends plus, je n'aurai plus jamais de mots. Je te désire comme une déesse des années 10 qui, dans la semence des temps, s'en allait chancelante, changeante, mouvante, faisant feu de tout vent brûlant. Melody will shine and dance around your nose. Which harmony will rot inside behind your dirty skin? Your bones will swim behind your dirty skin. Your bones will swim. La musique populaire marque au fer rouge les transmissions de mère en fils, de père en frère, témoigne des moments doux comme des indicibles guerres. guérisseuse d'âmes perdues, penseuse de corps en guerre, passeuse de frontières. La musique populaire, bâtarde, fière, traînant des casseroles de fonte, d'argent, de fer, entraînant sa patte folle où se bouscule, couplet, décuplé, ritournelle, mélopée, sacré, salopé, nacré, simplifié, savante, plaintes indiennes, profane, chanson de ruelle. Il y a des choses bien plus fortes que ça. Je vous conseille fortement d'essayer, si vous voulez vivre des expériences. Vous achetez, c'est pas compliqué, en plus c'est simple. Vous achetez des fèves au lard, mais déjà préparées, vous savez, là, des en canne. C'est déjà assez primal, la canne, là. Est-ce qu'il y a du monde qui mange de la canne ce soir? De la soupe en canne, du ragoût en canne, des fèves au lard en canne, des légumes en canne, des patates en canne. Et canne est-elle elle-même une canne? Oh, ouais. Tu parles de canne, le festival? Ben oui, le festival de films! Des gros porcs à la gueule enflée font des enfants à des petites poupées qui se demandent pourquoi elles sont là. Crions fort comme ces petites poupées qui jouaient sous le corps de ces porcs blasés. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Quand je pense que ces petites poupées ne savent pas qu'une vie entamée peut leur valoir de finir. Débarrasse-toi de toutes ces idées reçues. Faut que j'en invite d'autres, des moins connes à mon têtu. Débarrasse-toi des contractions bien figées et débrouille-toi pour continuer les chantiers. Démerde-toi pour inviter ton ego à se rafraîchir. Mets-lui donc la tête sous l'eau et s'il en fait trop, je t'en prie, va voir un psy. C'est un équivalent d'un sorcier en Tanzanie. Et si tu t'en veux de vivre et d'exister, imagine le son des fleurs qui poussent sous les pieds. Quand on entre tout ça, tous les événements de quoi ça dure quoi? 2 semaines? 10 jours, 11 jours. Est-ce qu'on peut rentrer ça dans une canne? Et si on la rentre dans une canne, quand on l'ouvre, qu'est-ce que ça donne? Y a-tu toutes des vedettes qui sortent de la canne? Oh, Catherine Deneuve, en quelle année? Oh, moi, j'aimerais avoir. Catherine Deneuve, j'aimerais la, en 70. Isabelle Adjani? Oh, en 77. Isabelle Huppert? Chinatown, my Chinatown, when the lights are low, on the moon or the ground, drifting to and fro. Dreamy, dreamy Chinatown, almond eyes of brown, heart seems light and life seems bright in a dreamy Chinatown. When the lights are low, on the moon or the ground, drifting to and fro. Chinatown, my Chinatown, almond eyes of brown, heart seems light and life seems bright in a dreamy Chinatown. Je suis rempli d'iconicité ce soir. Every song has a friend, it ain't the last gone lane. Every little baby has a beat, it ain't the house and the feet. Every little love story has a stereo, that's what they say at the end. Still obsessed by the end, that it has to be your friend. We'll be right back. J'ai réussi à me le dire, moi, j'ai toutes les internets que vous voulez, tout ce qui existe sur le marché, je l'ai, moi. Là, on est rendu à Internet version quoi, là? Moi, j'ai commencé à version 1, là. Est-ce que vous vous souvenez? Tu branchais ton modem. Et c'était un modem dans la prise téléphonique. Et là, ça occupait ton téléphone pendant toutes les soirées. Puis là, on essayait de nous appeler. Ça fonctionnait pas. Quand tu te branchais, ça faisait... Là, t'étais branché. Tu dis, ah, ouais. Puis là, quand tu allais de page en page, ça, du haut vers le bas, l'image se déroulait tranquillement. S'il y avait des photos, c'était encore beaucoup plus lent. Le mieux, c'était parce que Windows, c'était, avant ça, pour rouler avec Windows, il fallait avoir le DOS. Hein, pour les initiés? Le DOS ne pouvait pas fonctionner sans Windows et vice-versa. Après, ben, ils se sont mis à la fine pointe. Ils ont balancé le DOS. Pas besoin de DOS. On dormira plus sur le DOS. Ah non, non. On va dormir dans le Windows. Ah, mais moi, quand je fais des rotations lors de mon sommeil qui est très pagité, très, très pagité, c'est tellement pagité que je les tourne même plus, moi. Je te parle des pages, là. Une mini jupe en lin ou une robe en satin, un collier de chien ou un bracelet africain. Elle joue à paraître ou bien elle joue à disparaître. Silhouettes anonymes, up to date, old fashioned, étrangères, passagères, jamais je ne saurai qui elles étaient. Elles maquillent leurs désirs adultères, aventures éphémères comme des courants d'air. Elle change d'avis comme elle change d'alibi. Pourtant donnerait tout en échange d'une nuit. Silhouettes anonymes, up to date, old fashioned, étrangères, passagères, jamais je ne saurais qui elles étaient. Escarpin, elle bouge au féminin. Et quand elle bouge les reins, elle font ça par instinct. Silhouettes anonymes, up to date, old fashioned, étrangères, passagères, jamais je ne saurais qui elles étaient. T'as vu la fille là-bas? Ouh! Là-bas. Et c'est là que tu l'as vu, c'est? Là, juste en face. Ah ouais! Elle est mignonne, hein? Elle est super canon, tu veux dire? Faut pas exagérer, hein? Si elle ressemble un peu à la Mimi! Bah alors vas-y, attaque, tente ta chance. T'es fou, je sais pas danser! Moi, c'est pas grave, t'es pas tout seul. Bah, allez, te plante pas derrière le poteau! Viens, on va au bas! Un peppermint comme d'habitude. Affirmatif. Et pour le petit jeune homme là, un lefez. No comment. Hey, y'en a trois qui viennent d'arriver là, regarde. Ah vas-y, à toi de jouer, prends ta chambre. Bon, j'y vais. Quand ça se termine comme ça, c'est bien, c'est flash, c'est clair, précis, on n'y retourne plus, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de rappel, c'est une chanson qui se termine, bing! C'est pas du momento, là, je parle du film, c'est vraiment la césure même. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de pensée, il n'y a que du rêve. Mauvais côté. Hey, j'espère que ça m'arrive pas de même dans la vraie vie, moi, là, me prendre tout du mauvais côté. Ah, bah, c'est une histoire à fuir. Peux-tu mettre de la ridondelle rabedelle? Merci. Non. Imaginons-nous, chers frères, chères sœurs, chères cousines, chers amis, chers amateurs d'ouverture, de rencontre vers l'autre, imaginez-vous en Louisiane ou là-bas, dans le, oui, dans le coin, juste à côté, oui, Liverpool. Oh, Liverpool, oui. Beau Liverpool. J'aime Liverpool, moi. Elle aime bien Liverpool. C'est beau Liverpool. Liverpool, c'est bizarre, mais Vegli, c'est mieux. Mais là, Liverpool, ils veulent pas que je vienne avec eux. Des genoux, oh je parie, dit le monkey, quand il te sent mou. Basmati, disent les zombies, quand ils s'affolent pour ta vie, que tu la laisses filer et la laisses se noyer dans un verre. D'eau de vie, Gourou, dit le Bouddha, quand il sent ton dégoût, ressaisis-toi, transforme-le en chou. Bergamone, disent les anguilles, quand tu vacilles dans la boue. Oh, je parie, dis le monkey, quand ils sont tes genoux. Come to me, come to me, try to save me. Come to me. Ils m'ont dit attends dans la voiture, moi j'aime pas ça la voiture, moi j'ai pas de permis, c'est de la police mallette là, ben oui je compte les passagers, je le sais mais j'ai peur. Liverpool, ils veulent pas. Berlin, la musique de Berlin. Tout est musique, tout est rencontre sonore, tout est stress, tout est détresse, tout est en nous. À nous de l'expulser. Aujourd'hui, le lundi 7 septembre 2020 ou 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Ah, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité. Et pour nous envelopper dans un enchaînement, hein? Oui, j'ai passé un cheveu de dire rénalité. Je me suis comme remis dans le droit chemin. Mais le droit chemin, y est-il vraiment droit? Puis ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. On s'en trompe, on a le droit de se tromper, on est des humains, hein? Trompons-nous, c'est si bon la trompette. C'est pas ça, hein? C'est accordéons-nous, c'est si beau l'accordéon. Chinatown, my Chinatown, when the lights are low, on the noon or the ground, drifting to and fro. Dreamy Chinatown, almond eyes of brown, heart seems light and life seems bright in a dreamy Chinatown. When the lights are low, on the noon or the ground, drifting to and fro. Chinatown, my Chinatown, almond eyes of brown, heart seems light and life seems bright in a dreamy Chinatown. Unissons-nous autour. Je pense que le mot performance chez lui, c'est tout à fait réaliste. Puis aujourd'hui, il a la chance de transmettre ce qui le fait vibrer. Donc ce soir, on va le nommer. Faites-vous-en pas, on va le nommer. David Noir est un performeur. Donc ce soir, il me fait plaisir à Errance Rénadienne pour ma première émission de 2020-2021. Mes nouveaux invités, Monsieur David Noir. And in the death, as the last few corpses lay rotting on the slimy thoroughfare, the shutters lifted an ancient temperance building high on Poacher's Hill, and red mutant eyes gazed down on Hunger City. No more big wheels. Fleas the size of rats sucked on rats the size of cats, and 10,000 peopleoids split into small tribes, covered in the highest of the sterile skyscrapers like packs of dogs assaulting the glass fronts of Lavney Avenue, ripping and re-wrapping mink and shiny silver frocks, now leghorns, family badge of sapphire and cracked emerald, in the day now, the gear of the diamond dogs. As it pulled you little kids. Connu, hein? T'as l'air connu dans le quartier. Oui, c'est ça, exactement, oui. T'as vécu ici? Non, mais je viens juste ici. Alors, je rencontre dans d'accord. ce coin-ci. Donc, les Parisiens, tu les rencontres ici? Les Parisiens? Normalement, oui. Normalement. Sauf Monsieur K. Oui. Rencontre le compagnier. Ah, bonjour! Ça, c'est la dame qui travaille à l'hôtel où j'habite. Ah, d'accord. C'est une auberge de jeunesse. OK, toi aussi. Donc, c'est une petite famille. C'est pour ça que je reviens. Ouais, ouais. Je suis connu, puis ça me fait plaisir de... Et toi, j'ai rencontré M. K hier à la fourmi. Ouais. Oui, oui, j'ai vu passer des photos, parce que tu avais rendez-vous. Ben oui, en plus, le con, j'ai pris des photos directement au soleil, donc on voit même pas. Oh, c'est de la merde, c'est de la merde. En tout cas, au moins, on le voit un peu. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ma foi, je sais pas qu'est-ce que tu vois là. Toi? Je sais pas trop, ben je commence pas. Non, juste un allongé pour l'instant, s'il vous plaît. Jus de fraise. Oui, qu'est-ce que tu veux? Et donc, quelle notoriété? C'est pour moi à peine, non. Mais en fait, c'est la routine. Hein. Mm. Je suis content de te voir. Moi aussi. Parce que tu es un performeur. Oui. Un metteur en scène. Oui, oui. Un gars plein d'idées. Je sais pas. qui brasse un peu la cage des conventions. Oui, c'est un peu mon job. Ouais. Je suis mon fil. Non, mais pourquoi c'est ton job? Tu as une mission? Non, j'ai pas de mission. Non, tu sais, quand, je sais pas, c'est beaucoup de gens comme ça qui font un peu de création, tout ça. Tu suis instinctivement quelque chose qui te. Voilà, qui t'habite, on peut dire ça comme ça. Mais toi, ça a commencé déjà à l'enfance, le questionnement? Oui. Enfin, je suis un petit peu lent quand même. Non, ça a dû commencer vers quand j'avais 15 ans, tout ça, oui, par là. Mais pas si tôt que ça. Mais, mais de façon très diffuse, confuse. Parce qu'au début, je voulais faire de la science, de la biologie. J'en ai fait un petit peu. Mais bon, après, je me suis aperçu que ça avait trait un petit peu à ce qui m'intéressait. On peut toujours trouver des liens, ceci dit. Mais entre la scène et puis la paléontologie, et juste comme ça, bon, il y a une affaire de recherche, d'archéologie, de fouilles qui me plaît. Alors, dans ma vision à moi, qui est un peu romantique de tout ça, qui n'est pas très scientifique, mais... Oui, c'est déjà fait. Merci. Et... mais enfin, c'est vrai que c'est comme ça que je vois un peu les choses. C'est-à-dire, je vois pas les choses comme... J'ai pas l'impression d'inventer quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense pas que ça soit le cas. Mais par contre, que j'exhume une sorte d'archéologie personnelle, intérieure, que je bidouille, etc. Oui. C'est-à-dire des choses qui sont déjà... Je pense que c'est comme ça. Après, on peut pas généraliser, mais j'ai la sensation que... On est déjà très très plein, très construit justement depuis cette enfance, tout ce qu'on a vécu ou pas vécu, et finalement c'est déjà là. Après il faut aller avec son petit pinceau et puis voir ce que ça donne. On découvre le bestiau. Il faut questionner aussi. Oui, oui, oui, mais ça va un peu... Tu questionnes forcément peut-être quand tu découvres un petit morceau d'os, un petit truc, quelque chose, tu te dis bon, à quoi ça appartient, qu'est-ce que ça... En fait c'est comme une grosse bête dont on finirait pas de tirer le squelette, on se dit jusqu'où ça va. Enfin, après, on voit qu'il y a des choses redondantes, des choses... Enfin, on peut se comparer à beaucoup de choses, mais... Une sorte de petit univers cosmogonique, comme ça, voilà. Mais tu t'es beaucoup concentré sur, en fait, les... Merci. L'enfance, la sexualité... Oui, oui. Pourquoi ça... Merci, monsieur. C'est quand même assez cru. Oui. Oui, alors la crudité, moi j'en fais pas un étendard, si tu veux, d'abord parce qu'aujourd'hui... Moi c'est plus vraiment... C'est ouais. plus, voilà. Ouais. Mais simplement, c'est plutôt une affaire de nature, en fait, de ce dont on est fait. C'est plutôt ça, c'est pas vraiment l'idée de... Je suis pas quelqu'un de tellement heurtant ou qui cherche ça. C'est que simplement, moi ce qui me heurte, c'est que ça paraisse pas si simple que ça, quoi. La sexualité, enfin, qu'on en fasse quelque chose et puis qu'on se complaise. Parce qu'il y a une perversion là. La perversion est plutôt là pour moi. Dans le fait de vouloir en conserver ça comme une chose qui serait un peu sulfureuse, etc. Oui, il y a quelque chose de pas très net là-dessous. Il faut démystifier le cul. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui profite à je sais pas qui, mais des choses qui, moi, m'inspirent pas tellement. Et on est encore beaucoup, beaucoup là-dedans, malgré c'est tout. C'est peut-être le christianisme aussi. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais que ça ait encore une telle emprise. Et puis que quelque part, beaucoup de gens défendent ça, en fait. On défend un petit peu son oppresseur ou son... Enfin, je ne sais pas ce que ça défend. Il y a quelque chose qui me dérange, moi. J'ai peut-être un côté... Peut-être me sens un peu mougli, moi, par rapport à ça, parce que j'ai été élevé à la campagne, un peu comme ça, un peu tout seul, un peu tout nu... C'est un peu sauvage, un peu tribal. Mais c'est le côté animal aussi. Oui, c'est ça. Ça me paraît beaucoup plus simple que ça, en fait. Et je trouve un peu suspicieux quand ça ne l'est pas. Voilà. Parce qu'on est fait de la même façon. On est, bon, voilà. C'est pas intéressant, en fait, s'attarder sur le... Après, il y a le désir, il y a l'excitation. Tout ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a... fait beaucoup de cul aussi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a de quoi en faire tout ça? Je suis pas sûr, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours, j'en connais pas vraiment, mais j'ai une espèce d'idolâtrie pour certaines idées que je me fais de l'actorat porno, etc. Avec un côté un peu simple, un peu bienveillant. Bon, je sais bien que c'est pas tout le temps ça et qu'il y a des tas d'autres choses, mais on peut voir des photos comme ça, des trucs ou des gens. Bon, ça peut aussi être simple en fait. Sur ton site internet, tu parles de l'enfance et de... Et des adultes vis-à-vis le sexe des enfants, la pédophilie. Oui, bah, c'est tellement le bouc émissaire de l'époque aussi. Ça n'était pas tant que ça avant. Alors c'est pas pour... Je défends pas ça. Enfin, c'est pas le sujet pour moi. C'est que cette idée qu'on veuille que ça soit aussi carré que ça, aussi net que ça... j'en sais rien, mais c'est plus trouble, il y a beaucoup d'ombre. Et enfin, tout ce qui sert tout d'un coup de ralliement à je sais pas quoi, enfin, c'est un peu détestable, quoi. Il y a quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime pas l'indignation comme valeur. C'est très bien, il y a des choses qui nous choquent, qui nous heurtent, c'est très bien de le dire. Mais d'en faire un étendard parce que ça serait une caution de la bonne morale, de la bonne pensée, ça je trouve ça infect en fait. Infect, presque... collabo dans le pire sens du terme, quoi. Un truc dégoûtant pour moi là-dedans. Parce que d'un côté, enfin, il y a tous ces doubles discours. D'un côté, il ne faut pas juger. Bon, alors on ne juge pas. Alors, si on ne juge pas, bon, ben, on ne juge pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse, on ne sait pas comment les choses se passent, comment on en arrive là. Moi, j'en sais rien, hein, tout ça. Ça n'excuse rien. Je trouve que c'est tellement facile de vouloir se penser quelqu'un de bien. Tu vois, c'est un... Qu'est-ce que la bonté? Oui, oui, qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que... Tout cet égo... Il faudrait travailler un peu plus, quoi. Je pense, moi, je n'ai pas la prétention, je fais mon petit truc. Mais je trouve que, bon, les êtres humains, ils sont sympathiques, mais enfin, faut travailler un petit peu, quoi. Pour se permettre déjà de... voilà. Il faut aussi aller chercher, aller puiser. Oui, oui, oui, aller puiser. Chacun est différent. Bien sûr. Chacun est différent. Et puis en même temps, il y a une, justement, il y a cette communauté qui est le corps. Puis il y a le corps, voilà, qui... Bon, bah, les corps sont... Voilà, on a le même. On peut se douter que plus ou moins les désirs, les pulsions, les refoulements. On a un peu les mêmes histoires. Les différences culturelles font pas tant, tant de différence par rapport à ce... Bon... Alors après, bon, regardez ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire le réel de ce qu'on est. En même temps, il faut désacraliser la sexualité. Mm. Il faut arrêter de mettre quelque oui, chose de oui. mystérieux autour. Oui, oui, bah oui, c'est le pire. Puis, démystifier, c'est comme... Enfin, oui, on vient de loin, quoi, pour tout ça. Enfin, et ça continue, cette idée que les femmes seraient belles. Oui, il y a des femmes belles, il y a des femmes, ça dépend de ce qu'on pense être beau. La beauté est relative. Oui, oui, c'est relatif. Et puis, c'est tellement misogyne, finalement, de dire ça, d'en faire un archétype. Il faut, voilà, on s'assoit dans la rue, on regarde les gens, on ne sait pas. Oui, bon, il y en a qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas. Tous ces trucs-là, c'est, pour moi, ça sent mauvais, en fait, tout ça. On parle d'attirance, on parle oui, de, oui. de qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que aujourd'hui représente la beauté. Et la jeunesse aussi, parce que on veut toujours rester jeune. Oui, oui. Et on fait tout pour le rester, même si c'est évidemment travaillé et déstructuré. Oui, on est dans un temps de vie limité, même si on croit à un au-delà ou quoi que ce soit. Bah, néanmoins, le concret fait que, au moins, ce dont on peut s'apercevoir, on voit que c'est limité. Et je pense qu'il y a une panique intérieure de ça, forcément. Une crainte, une terreur. Oui, oui, ça amène tout ça. Il faut qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas, des choses fantastiques, des choses qui... C'est si simple, hein. On va chercher trop loin. Oui, parce qu'il y a une poésie dans les choses qu'on vit déjà, ça peut être suffisant. C'est pour ça que j'aime bien le corps, la peau des gens, l'organe. Parce que pour moi, il y a une poésie, il y a un paysage là-dedans qui me plaît bien. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais c'est déjà pas mal quoi, pour moi. Et ça m'inspire suffisamment, voilà. Il y a des réflexions. Il y a de la création à aller puiser là-dedans. Oui, oui. Et bon, elle est difficile parfois parce qu'elle est un peu entravée, quoi qu'on en dise, d'époque libre, etc. C'est pas si simple, on peut pas... On n'est pas dans une société si libertaire que On peut pas... On était beaucoup plus dans le 18e, pas arrondissement, mais dans le 17e siècle. On était beaucoup plus... Quoique, on peut sentir aussi qu'à Pigalle, c'est peut-être la libération de tout ça, entre guillemets. Oui, ça a changé un petit peu quand même, hein, par rapport à... Enfin, je sais pas si... Moi, j'y ai vécu pendant plus de 10 ans. J'ai l'impression... On regrette toujours sa jeunesse. Mais enfin, il y avait d'autres choses. Il y avait sur le boulevard, je crois, il y avait ces petites baraques, là, que ça, j'aimais bien. Baraque de foire, c'était un peu kitsch. Cheap thing. glad that you're older than me. Makes me feel important and free. Does that make you smile? Isn't that me? I'm in your way, and I'll steal every moment. If this trade is a curse, then I'll bless you and turn to the crossroads of hamburgers. Boys, boys, it's so sweet. Lights in your snowstorm, we memories in your brain. Do you think that your face looks the same? Then let it be. It's all I ever wanted. It's a street with a deal and a taste. It's got clothes, it's got me, it's got pas comment c'est maintenant, j'y vis plus. Mais en même temps, c'est le marchandage du sexe. Oui. On le voit pas trop, enfin on le voit, il est ailleurs. Tu peux emmerder souvent quand tu marches en bas. Là. Ah bon? Bah oui. Ah, pour être chopé pour les petits... Oui, ça, ça a toujours été, oui, avec des petites photos pourries. Là. Oui, oui, non, mais en même temps, la sexualité doit être gratos. Oui, elle l'est normalement. Oui, oui, mais c'est ça, on n'a pas à payer pour avoir des relations sexuelles. Ben, y a des gens qui ont peut-être des difficultés, je ne sais pas, c'est un service qui peut être rendu hein, aussi. On est, ça dépend comment c'est fait, quoi. Il s'agit de ne pas être pris dans une espèce de mafia terrible. Mais oui, c'est un service, donc, ça peut se louer, ça peut se louer. Quand on marchandise la sexualité. Je sais pas, en fait, moi je crois que tout est... Ça dépend comment les choses sont faites, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est respecté là-dedans. Si peut-être des gens qui sont capables de vivre ça très bien, et puis qu'ils le gèrent bien, etc. Moi, pour moi, tout devient un peu spécieux, un peu néfaste quand il commence à y avoir une grosse organisation par-dessus tout ça, qui commence à avoir... Enfin, c'est la même chose, nous, on a un État au-dessus, bon, ben, on le choisit si on veut, hein, soi-disant. Bon, voilà, on parle de cette image de la sexualité. C'est marrant quand on va sur les sites, par exemple, d'édition d'images, on veut éditer, je ne sais pas quoi, un mug avec une image, un truc. Alors, il y a ce qui est catégorisé comme... ça doit être fonction des lois, tout ça. Un certain type de nu, on peut, c'est marqué contenu adulte, machin. Okay, mais par contre, ce qui est refusé complètement, c'est un sexe masculin en érection. Là, c'est pas possible. Alors ça, pourquoi ça représente tant de choses? Bon, c'est un peu curieux. Et qu'est-ce que ça entraîne de dire, ah ben non, ça, attention, ça, c'est pas bien. Alors c'est pas bien d'être en érection, c'est pas bien de le montrer, c'est pas bien de quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça raconte tout ça, quoi? Et qu'est-ce qu'on entretient? Oui, qu'est-ce qu'on entretient en voulant le conserver à ce regard là-dessus? Moi, voilà, ça me dérange, ça m'embête. Moi. Et tu questionnes constamment là-dessus? Oui, j'avance un peu dans mon questionnement. Puis surtout, je reconnais, j'écoute, je m'ausculte. Moi, je suis mon premier sujet d'étude. Hein. Alors, je m'ausculte et je me dis, bon, ben non, moi, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien mon sexe, j'aime bien ma nudité, j'aime bien celle des autres. Voilà, l'écriture ou les choses ou les incarnations viennent à partir de ça, quoi aussi. Mais tu te mets en scène avant tout. Oui, oui, tu es oui. Ton propre sujet. Oui, ben c'est plus simple, c'est économique. Et en plus, il n'y a pas de censure. Quand c'est toi, tu sais où tu peux aller. Voilà, où tu veux aller. Après, je le fais aussi, je l'ai fait, peut-être moins maintenant, mais avec d'autres. Après, c'est compliqué. C'est pas ça qui était compliqué d'ailleurs, c'est pas le corps, c'est pas tout ça, c'est juste la gestion humaine. C'est juste un peu fatigant, quoi. Il faut avoir quand même suffisamment de moyens pour déléguer des choses et. C'est bien d'être assisté parfois. Oui, ben oui. Arrive à un âge où on a envie. Un frère qui dit, ben, regarde, on a les mêmes idéaux, on va travailler ensemble. là tu dis ouf, ok, ouais, oui. Tu décantes un peu. Voilà, tu décantes un peu, tout à fait. Bah, c'est, oui, la logique de la, elle est un peu gerbante aussi, mais enfin la logique de la hiérarchie du cinéma avec premier assistant, machin, etc. Ah, c'est pas mal aussi parce que ça existe au théâtre, mais il faut plus de production qu'on en a en général, c'est des salaires. Mais on a un peu envie de ça. J'aurais envie de refaire des trucs, avec, mais j'aimerais bien voilà, pouvoir avoir une petite structure qui permette ça. Sans ça, on fait tout, quoi. On fait tout le temps. Comme d'habitude, on est notre artisan. Ouais, ouais. On est des artisans. Mmh. On forge avec ce qu'on a puis avec ce qu'on peut avoir. Mais bon, et après, faut pas aller... Il y a la lisière du corps, justement, qui est l'épuisement physique, le truc. Bon, on n'est pas à la mine, mais malgré tout, voilà, hein, c'est fatigant d'être sur tous les ponts en même temps et donc on se disperse. Tout à fait. Ce qui est bien dans la réflexion, c'est de pouvoir se concentrer. Je suis complètement. Et déléguer aussi, avoir la confiance de déléguer. Ouais. Mais en même temps, il faut déjà trouver son équipe et que cette équipe-là fonctionne au diapason avec nos idéaux à nous pour ne pas déstructurer, pour investir ce qu'on veut dire. Il faut bien se faire comprendre. Tout à fait. Ça réclame aussi des rencontres, des échanges, des moyens, parce qu'il faut un temps de vacances, entre guillemets, pour faire ce travail-là, en fait. Il faut libérer pour pouvoir... Oui, il y a un temps où on passe du temps avec les gens, on est sûr qu'on se comprend, tout ça, c'est important. Tu dois savoir que tu es vu pour certains comme un provocateur. Oui, sûrement. Je ne suis pas tellement vu. dans l'univers qu'on... C'est possible, oui, mais bon, je trouve que... Non, mais en même temps, il faut faire attention, là, puis toi, tu évoquais sans doute le côté commercial, je ne suis pas vu, c'est-à-dire que, oui, il y a des clans, il y a des familles, donc dans notre famille, tu es vu pour certains comme un provocateur. Oui. Bon, je ne sais pas, écoute, c'est du mal à être touché par ça, parce que enfin, d'ailleurs, tu me vois bien, là, j'ai pas vraiment le look de quelqu'un. J'aimerais bien avoir cette énergie-là, mais je l'ai pas, quoi. Je suis trop occupé par d'autres choses. Oui, dans mon discours. Pas dans ta présence. Oui. Mais souvent, ça va... Bon, dans mon discours, peut-être, je suis perçu comme ça. Oui, peut-être. Mais moi, j'ai juste l'impression de dire des choses extrêmement simples, en fait. Alors, on peut en faire de la provocation si on veut, mais j'y crois pas trop, en fait. Je pense que c'est une sorte de bluff quand on renvoie ça. C'est une façon de dénigrer aussi, tu sais, c'est une façon de dire oui, bon, ça, c'est, il fait sa crise. Mais en même temps, tu es conscient que ça peut pas plaire à tout le monde parce que c'est des sujets quand même, entre guillemets, pour plusieurs, tabous. Oui. Ben, c'est dommage, mais bon, moi, je reste ouvert à ce que ça plaise à tout le monde, j'aimerais bien. Qui même me suivent. Hein. Oui, tout à fait, oui. Après, voilà, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde non plus. Non. C'est déjà... C'est compliqué d'ailleurs, c'est intéressant cette histoire du rapport au public, du rapport à qui. Parce que comment les gens perçoivent les choses, c'est différent chez chaque personne. Déjà, le public, c'est des individus. Hein. Et souvent, c'est ça qui est plaisant d'aller chercher chaque personne l'un après l'autre. Oui, c'est et non pas la masse. Quel bien dans le cabaret, ça. C'est pas Johnny Hallyday, c'est pas la masse. Johnny Hallyday, c'est la masse, c'est pas l'individu. Lui, il s'en fout de monsieur ici à côté. Là. Peut-être qu'il s'en foutait pas, mais il n'avait plus le choix. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Parce que quand on est. Comme ça, adulé par tant de personnes, forcément, c'est compliqué de... On pense à côté de bien des choses aussi, là. Oui, on peut arriver peut-être à encore parler à des gens, mais c'est vrai que c'est une machine, après, c'est une machine. Ouais, c'est ça. Et oui, moi, c'est ce que j'aime dans le cabaret, en tout cas, à petite échelle, par exemple, ce qu'on fait avec Monsieur K, etc., ce qui me permet de faire, c'est, les gens, ils sont là, c'est des personnes. Donc, après... Et les gens viennent voir ça aussi. Oui, ils viennent dans, je pense... Ou la curiosité aussi. Une sorte de dialogue qui se fait, même s'il n'est pas énoncé tout le temps. On sait, c'est pour ça que moi j'aime bien être en salle assez tôt. Je fais souvent des loges à vue, c'est-à-dire que je suis là, maquillé au milieu des gens, etc. C'est parce que c'est amusant. Pour voir la réaction des gens, comment les gens. C'est pour être avec eux. Pour sentir les vibrations aussi. Oui, puis pour être avec eux, tu sais, c'est comme recevoir des gens chez soi, quoi. Il faut être là. Oui. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir, voilà. Et ça, j'aime bien. Il y a des tas de choses qui se tissent. En sous-main comme ça, qui sont très importantes, qui sont très importantes pour moi dans le rapport au public, qui sont un humour qu'on fait. Bon, c'est juste ponctuel, c'est pour le temps de la soirée, on se connaîtra pas forcément par ailleurs. Non. Mais pour ce temps-là, on tisse quelque chose qui est sympathique en fait pour moi, qui est drôle, qui va et du coup qui peut aller loin parce qu'il y a une confiance qui se génère. Quoi. On essaye. On doit aussi amener une communication. On est là dans une salle, un endroit clos. On est là pour aussi, il ne faut pas se le cacher, proposer quelque chose. Ben, bien sûr, on propose quelque chose. Et il faut aussi être entendu à sa mesure. Et puis, il faut faire comprendre aussi, les gens sont d'accord en général pour ça, mais que... On va faire les choses ensemble, c'est pas démagogique de dire ça, c'est la vérité. Pas les acteurs qui vont le faire, c'est tout le monde ensemble. Oui, parce que c'est très important, la façon dont on a envie d'instaurer une écoute ensemble, et à quel degré du... Enfin, c'est, le public est un acteur. Oui, et puis c'est son, sa perception est très, finalement, le travail est assez subtil, de sa part aussi. Parce qu'il va générer un certain type d'énergie et il finit par devenir une entité, mais en conscience de le faire. La communication est un peu latérale, un peu profonde. Tout ça est assez fin. Moi, c'est ce que j'aime dans la scène. Alors, ça dépend beaucoup du processus, quoi. Est-ce qu'on est en face, en frontal, en cabaret? Tout ça joue beaucoup, hein, l'architecture, finalement, joue beaucoup. Est-ce qu'on est sur scène ou si on est avec la... Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment pour ça que moi, en fait, souvent, quand on me demande pour des genres de choses comme ça qui ne sont pas très écrites, quoi, qu'est-ce que tu vas faire, tout ça, j'ai beaucoup de mal à répondre si je n'ai pas vu le lieu où on allait le faire. Parce que la façon dont les gens vont être disposés, assis, pas assis, debout, proche, loin, ça compte énormément. Est-ce que tu vas être en plongée ou à la même hauteur, c'est important? Mais c'est comme si chez toi, tu reçois les gens, si tu es dans une chambre de bonne ou si tu es dans un grand palace, tu vas pas les recevoir pareil, quoi. Si tu les reçois dans ta chambre à coucher, c'est ça a du sens. Ça a du sens. Et ce sens-là, moi, je le trouve passionnant, en fait. C'est qu'est-ce que ça raconte au niveau du décor mental. En fait, on crée un espace psychique. Et cet espace psychique, c'est la vraie scène, en fait. Ouais. Parce que c'est qu'est-ce que les gens vont... Dans quel voyage ils vont faire, dans quel imaginaire. Et on ne sait pas ce que l'autre a pensé. Non. Mais on sait qu'on tisse un truc à deux dont on ne connaît pas tous les tenants aboutissants. On n'a pas besoin, d'ailleurs. Et c'est ça qui est grisant. Oui, parce que c'est une rencontre. C'est le type de rencontre que j'aime, finalement. C'est unique. Alors, c'est là où ça a, ça a une proximité avec la sexualité, quelque part. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre sent, finalement. Et donc... On sait que toi, tu vas penser des choses, imaginer des choses. Moi, j'ai conçu des choses. Tu n'as pas besoin d'en connaître tous les tableaux. Mais on fait quand même des trucs ensemble avec ça. Et c'est assez proche pour moi de la sexualité. Oui, effectivement. Mais c'est une relation. C'est une relation, voilà. Et intime. Intime, très intime. Et il faut ramener beaucoup d'intime. l'émotion, pour moi, c'est pas un truc vulgaire qu'on affiche. C'est de l'intime qui est ramené, tout simplement. C'est tout simple, quoi. C'est simple. Mais ça veut pas dire que c'est pas délicat, parce que c'est simple. Non, non. Voilà. Et c'est en ce sens-là que... Alors bon, les gens que ça peut choquer, je sais pas s'ils ont eu la réflexion qu'il faut pour voir qu'il n'y a pas grand-chose de choquant là-dedans. Ce qui est choquant, c'est peut-être le côté abrupt du rejet de choses qui sont très simples. Une certaine violence aussi. Oui, une violence à l'égard de choses qui sont justement assez enfantines. Ah, enfantines, ok. Moi, je les vois comme assez enfantines. Mais l'enfance, ça va loin aussi. Ouais. Comme une résurgence d'une enfance. Comme une chose qu'on a, je crois beaucoup, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, Ferenczi, Alice Miller, tous ces gens-là, ils parlent beaucoup d'un enfant intérieur qu'on conserve, quoi, qui a gardé sa rudesse. Sa brutalité, je suis pas content de ceci, je veux cela, j'exige ça. Animal, oui, et puis brut de pomme aussi du désir de l'enfant qui est immédiat, et s'il n'est pas satisfait, ça va pas, quoi, il est blessé. Et ce qui est dommage, c'est que là, on l'élève, donc on tue à l'intérieur tout ce qu'il avait de pur et de... Ben, oui, avec l'élevage. Avec l'élevage, ouais. L'élevage, comme, oui, ouais, c'est vrai. Comme, il y a un dressage. Il y a un dressage. Oui, ouais. Exactement. Ouais. Alors, il faut apprendre, comme c'est vrai, il faut désapprendre notre enfance. Oui, il ouais, faut oui. mieux redevenir ce qu'on est. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, je pense qu'on peut. Tout n'est pas tué là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont préservées. C'est un peu ça, cette archéologie dont je parle. On y retourne, on s'aperçoit qu'il y a encore une matière vivante. Qui date de cette époque-là, c'est comme des strates, ouais, tu ouais, vois, ouais. C'est comme si c'était, de l'ADN conservé d'il y a longtemps, comme dans les couches géologiques. On là. Va l'épuiser, c'est voilà. comme un puits, on va l'épuiser. Et il faut le remettre un peu en forme, et en même temps, il ne faut pas se laisser tyranniser par lui, parce que c'est quelqu'un qui est resté bloqué à son époque. Pour moi, je le vois comme ça, cet enfant. Il est bloqué à son époque, comme dans les, on voit ça dans les séries de science-fiction, tu sais, qui va répéter toujours la même phrase. Ouais, toujours, ouais, ouais, voilà, ouais. Parce qu'il a été heurté. Rituel. Et ça, il ne faut pas être tyrannisé par ça, parce que sans ça, on est juste au premier degré de ça et on ne va pas s'en sortir. Quoi. Donc il faut l'apaiser tout en le conservant auprès de soi, en lui disant je te tiens la main, tout ça, mais il faut me laisser vivre ma vie aussi. Parce que sans ça. Une certaine liberté. Oui, je ne peux pas vivre ta vie. Vis ta vie, je vis la mienne, on va essayer de communiquer. Tu n'existes plus. Non. Mais tu es vivant quand même. Mais dans notre individualité, on doit communiquer avec l'autre. Ouais, ouais, essayer ouais. de communiquer le mieux possible avec peut-être un minimum de mots. Ouais, oui, bien sûr, et une écoute de ça, mais c'est de la science. Sensations aussi. Tu sais, pour moi, c'est de la science-fiction en fait, hein, cette introspection de voir qu'il y a, oui, évidemment, on ressent qu'il y a cette entité enfantine encore vivante, mais qui n'existe plus, qui est un souvenir, une mémoire, une résonance. On dirait Doctor Who, quoi. Tu vois, ouais, c'est ouais, moi j'adore c'est donc, pour ça parce que c'est des mondes parallèles. On vit avec un monde parallèle en soi, quoi. Mais avec plein de mondes parallèles. Quand on sait qu'on est fait, il y a des, je sais pas, 1,5 kg de bactéries ou je sais pas quoi qui sont nous. Qu'est-ce qu'on est, quoi? Qu'est-ce qu'on est? C'est pour ça toute cette vanité à être choqué des choses. Oui, bon, regardons ce qu'on est. Regardons ce qu'on est. Ouais, c'est ça. On ne sait pas. Mais ça, c'est les mœurs encore qui rentrent en ligne de compte. Comment oui. nous, la société nous a élevés, nos parents nous ont élevés, mais la société en est pour beaucoup, les médias en est pour beaucoup. Oui, les mais tout médias... ça, c'est une superficialité de penser que l'être, l'individu, c'est ce qu'on voit qu'on est, quoi. Ah non, non, c'est au-delà de ça. Donc, voilà. Ça, on pense à côté quand on est sur ce niveau-là. Oui, mais c'est compliqué après de voir, parce qu'il faut vraiment remettre en cause. Puis moi, je ne suis pas forcément parvenu, hein, c'est un travail. Mais de se regarder comme plus composite que ça. Quoi. Et ça, c'est pas facile, en fait, parce qu'on n'est pas habitué à ce regard-là. C'est là où je dis que c'est une forme de science-fiction. Quoi. Un individu est une forme de roman de SF à lui tout seul, ouais. avec toutes ses parties intérieures, ce palimpseste de choses superposées, ses pensées mortes, ses pensées vivantes, ses... Bon, c'est une histoire de petite ça, planète. On quoi. Bouge, on move, on essaye de comprendre, ouais, on ouais. tasse, on puise, on réfléchit, on regarde. Oui. On... C'est pour ça que ce qui est choquant, c'est une certaine forme de superficialité qui est choquante. Oui. Et ça, c'est choquant pour le parce coup. Qu'on voit trop rapidement, oui, on oui, s'arrête oui. pas. Oui. Et ça, c'est choquant. Le commerce de ça est choquant. Et ça, c'est pour ça quand on dit, bon, qui est provocateur là-dedans? Peut-être pas les mecs comme moi, quoi. Non, non. C'est peut-être... Mais toi, tu suscites le questionnement, c'est ça l'intérêt. Oui, oui, j'essaie forcément, parce que c'est un petit microscopique grain de sable qui gratouille à un endroit, donc... Parce que là, c'est bien beau, tu fais du cabaret, mais les gens retournent avec ça à la maison, donc... Oui, j'espère. Ils vont cogiter. Mm-hmm. Ils vont retourner après ça te voir peut-être, ou ils oui, ça arrive, plus oui. te voir. Oui, aussi. C'est ça, mais parce que ça va les titiller, peut-être les déranger. Oui, enfin, ben quand même, on essaye de faire des choses pour qu'il en reste un petit trace, non, quoi. C'est de là peut-être aussi la provocation. Oui. En passant, c'est que tu brasses les idées et puis il y en a qui sont choqués, qui sont interpellés ou qui sont admiratifs. Ou qui... Et c'est ça qui est bien parce que chaque individu est singulier. Oui, oui. C'est une expérience de chimie pour moi, un cabaret ou une scène. Quoi. C'est-à-dire qu'on met nos molécules là-dedans, on va bien voir ce qui se passe. Et forcément, mais moi aussi, je vais rentrer, j'arrive pas à mes idées toutes droites et en repartant chez moi, pareil. C'est un bazar, en un mot. Oui, puis je repars souvent changé, puis je suis emboulé un peu par des trucs aussi, parce que le public te, ben ouais, oui, il c'est... Il te fait revoir. C'est-à-dire que c'est fort, un public, oui. C'est émouvant hein, pour moi. Oui. C'est émouvant, les gens qui regardent. Mais c'est un spectacle vivant, donc oui. Vivant, quand on dit vivant, ça peut... Les gens ne le savent pas forcément, mais le fait d'être regardé par des gens, c'est pas moi, c'est leur regard qui donne. C'est troublant. Oui, c'est troublant, c'est fort, c'est émouvant, et puis on se parle un peu, et tout ça, c'est pas rien. C'est un moment qui existe pour moi aussi, pareillement, quoi. En même temps, ça peut rebuter, parce que tu proposes quelquefois des maquillages, des formations, des comme une larve, quelque chose. Oui, c'est vrai, des prothèses latex, des choses comme ça. Oui, exactement, quelque chose de un peu l'univers de Burrow. Oui, tout à fait, j'adore ça. On sort de quelque chose, c'est flasque, c'est... Oui, c'est un peu organique, oui, un peu... Oui, c'est une part du travail qui est là-dessus. Certains diront peut-être que c'est non esthétique, mais au contraire, c'est une certaine esthétique. Parce que c'est glauque, il y a quelque chose de glauque là-dedans. C'est drôle aussi en même temps, parce que c'est pas assez bien fait pour être complètement crédible. Mais c'est vrai que moi, ça me plaît assez, il y a quelque chose de... De fétale un peu, oui. Et en plus, c'est le jeu. De fétale. On parlait de l'enfant. C'est le jeu de comme tu dis, de l'art, de modification du corps. Oui. Moi, j'aimais bien Giger, tu vois, les Alien à ses débuts, etc. Tout ça, ça importe beaucoup, oui. La matière organique vivante, un peu palpitante. Il y a beaucoup de choses qui m'ont influencé quand même, l'île du docteur Moreau, toutes ces lectures-là, des choses qui sont à mi-chemin. Et puis quand je te dis que je voulais faire de la biologie, c'est vrai que mon rêve un peu romantique, c'était quand même le darwinisme et tout ça, donc les espèces. L'évolution, donc créer des sortes d'espèces aussi, où on donnait une idée approximative comme ça, puis qui naît, qui meurt, qui atrophie. L'atrophie aussi des choses, je trouve ça fascinant. Quoi. Alors tu crées des bêtes, tu crées des êtres entre guillemets anormaux. Oui, souvent, c'est vrai. Qui sortent de nulle part et qui se présentent au public et le public qui regarde comme s'ils étaient devant quelque chose d'étrange. De créatures un peu difformes, mais oui, qui sont un peu en miroir forcément, parce que ça parle quand même en même temps, ça chante des trucs, ça parle, ça. Donc c'est. Et toi en même temps, tu j'allais dire tu tripes parce que tu en fait tu regardes le public et tu sens dans leur regard peut-être quelque chose qui communique avec toi. Le fait qui est important pour moi que je sois à vue, comme je te disais. Ils me voient maquiller pendant que d'autres passent, d'autres chantent. Moi, je suis en arrière-plan un peu. Ça les amuse, ils regardent. Donc, le fait qu'il y ait cette forme de, entre guillemets, qui dit c'est une blague. C'est-à-dire qu'on s'amuse. Ouais. On s'amuse, on se déguise. On s'amuse, mais... On se déguise et en même temps, tout d'un coup, tiens, le résultat est là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça qui est un petit peu troublant. Mais c'est important, cette donnée qui fait que on est similaire. Je pars de vous voyez bien, je suis un bonhomme comme vous, machin. Et hop, je suis changé en quelque chose. Alors, cette espèce de double... On ne sait pas ce que c'est, voilà. Mais c'est très différent pour moi que si j'étais bien maquillé en loge et tout d'un coup, taratata, je fais mon entrée en scène. C'est pas pareil. Et ça raconte autre chose. Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est bien ça. Ça me plaît, cette idée-là. Ben oui. Oui. Et parce que ça se dit pas souvent pour les arts vivants. Ah mais écoute, il faut. Mais moi je suis d'accord avec toi. Il faut puiser à gauche et à droite. Oui. Hein, il faut faire son bouquet avec les fleurs que l'on a. Tout à fait, oui. Oui. Ah mais surtout que moi, Jean Dubuffet, tout ça, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Asphyxiant de culture, de lire tout ça. Mais oui, c'est de l'art brut. Il y a aussi un côté très artiste. Antonin Artaud, on s'en sort là-dedans parce que les gens Chez jouent avec toi. sont des êtres aussi étranges que toi. Oui, exactement. Oui. Tout à fait. Rôle, tu les interpelles. Et je pense que ça, c'est une des premières choses que le public, que ça intéresse, reçoit ou peut-être même a envie de voir, c'est qu'ils sont aussi étranges que tout à fait. Personnage. Oui. Et cette étrangeté, en fait, peut-être que ça leur fait du bien de la voir représentée. Ça fait plaisir parce que c'est quelque chose d'un peu douloureux malgré tout, cette étrangeté qu'on a en nous, qui n'est pas définie complètement. Et qu'on cache, on ne veut pas montrer, hein, parce que la société nous... On a peur de se montrer en société dans d'autres circonstances, dans une autre... On a raison d'avoir peur parce que souvent c'est douloureux parce que c'est pas bien reçu. Choquant, les gens peuvent être violents quand... En fait, si tu veux, finalement, ces bestioles, là, cette chose dont on parle là, c'est peut-être aussi, pour moi, je me dis ça, oui, c'est la chair en train de se déliter, c'est-à-dire que c'est notre vie, on est en train de mourir, on le sait, c'est difficile à vivre, en fait. Et on ne va pas sans arrêt se cacher que c'est difficile à vivre, en fait, c'est pas marrant l'idée qu'on va mourir, quoi. Mais dans notre vie, on apprend à se décomposer. Voilà, on apprend à se décomposer. Et dès qu'on a une référence à ça, en société, etc., on n'est pas bien maquillé, t'es pas bien coiffé, t'as l'air un peu malade, ça emmerde les gens, quoi, ça ne plaît pas. Mais parce qu'on est le reflet aussi. Ouais. Hein. Et ça, c'est bon, faudrait peut-être arriver à vivre avec ça. C'est pareil, c'est comme, voilà, comme l'excitation sexuelle, c'est dérangeant pour les gens de tout d'un coup être plus soi-même, d'être un peu animal, d'être à quatre pattes sur l'autre, d'être machin. Bon, il faut peut-être arriver à être plus détendu, quoi. C'est, de toute façon, c'est comme ça. Et moi, j'aime le réel dans ce qu'il est, qui dit que c'est comme ça. Et la science, le peu que j'en connais, me plaît parce qu'elle me dit, a priori, c'est comme ça. C'est de la pureté. Aller chercher la pureté. Oui, alors il faut se méfier aussi de ça, parce qu'il y a des gens qui mettent derrière la pureté des choses qui, justement, ne sont pas le réel, quoi. C'est-à-dire des gens qui cherchent un idéal de pureté, qui seraient débarrassés du réel. Ok, vas-y. Je sais pas, il y a quand même des tas d'idéologies comme ça qui voudraient... je ne sais pas, des idéologies purificatrices, puristes, je ne sais pas comment les appeler, eugéniste, l'homme nouveau, tout ça, voilà. Donc c'est pas hitlérien. Voilà, c'est un peu hitlérien, c'est un peu tout ça. Alors que oui, il y a une pureté à être ce qu'on est, tout simplement, à être ce qu'on est. Voilà. Oui, je parle pas de la rassarienne, je parle de c'est pour pureté ça que, d'être. Oui, oui. Bien sûr, oui. Mais qui est une candeur presque aussi, une simplicité d'être ce qu'on est. Ce n'est pas si évident, parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas éduqué si facilement que ça pour accepter à être ce qu'on est, quoi. Non. Et ça, c'est difficile, quoi. C'est douloureux, vraiment. Et non pas ce que les gens s'attendent, ce que l'on, que l'on soit. Après, c'est pour ça que le théâtre, c'est formidable. Enfin, le théâtre, la scène, c'est la création, voilà. Ouais. Parce qu'on peut s'amuser avec des tas de choses, quoi. On peut se projeter dans des tas de choses. Mais c'est cet intervalle entre ce qu'on est et sans se faire croire des choses, mais voilà, on peut avoir d'autres vies comme ça, c'est on amusant. On peut aussi se libérer pendant une heure et demie. Voilà, on revient malheureusement un citoyen normal, mais à chaque représentation, à chaque prestation, on redevient cet être. Et en même temps, je trouve pas si malheureusement que ça de revenir à ça, parce que moi, je suis content d'être le pauvre bonhomme que je suis, cette réalité, parce que c'est l'intervalle entre les deux qui est intéressant. Si j'étais tout le temps enfermé dans ma gang de latex, je m'emmerderais aussi. Ouais. Mais c'est le dialogue entre ces deux trucs, c'est-à-dire, ça me fait réfléchir de revenir à moi aussi après. Oui, je comprends. Et ça me fait mieux supporter cette idée que je suis en train de me décrépir, que je vais vers la mort, que... Et mes amis aussi. Hein. En même temps, il ne faut pas se prendre à ce jeu-là. C'est ça que tu veux dire. Oui. C'est-à-dire que ça habitue. Il faut se déshabiller de certains rôles. Oui, et puis ça rend la vie plus paisible pour moi. C'est-à-dire que ça apaise les choses. Ça apaise l'anxiété comme ça. Parce que c'est une émotion trop forte de se dire on va disparaître. Là. Alors, moi, c'est ce qui m'a plu en même temps au début au théâtre, par exemple. C'est ce que j'essaye d'enseigner parce que je fais un peu de cours, etc. C'est que là, finalement, le seul intérêt pour moi, le théâtre, c'est quand un comédien est bon, quand il est fort, il nous fait ressentir malgré nous, au travers d'une phrase, un truc, il le dit tellement dans le temps, ici et maintenant, tellement dans le temps réel, qu'il nous fait ressentir que cette seconde vient de passer, qu'on la vivra plus jamais. Ah oui. Et ça... L'instant présent. L'instant présent, il le fait. Un grand comédien, ce que je prétends pas être, mais un grand comédien le fait ressentir tellement juste là, que c'est ça qui nous trouble, bien plus que juste le mot. Parce que si le mot était dit... mochement par quelqu'un d'autre, on le ressentirait pas. Mais ce mot qui sait dire comme un... Je sais pas, il faut écouter Alain Cuny, il faut écouter des gens comme ça. On a l'impression que... La pureté, oui, c'est vrai, c'est vrai. On revient à la pureté. C'est juste l'essence de la chose est passée, quoi. Exact. Donc ça parle que de ça, finalement. Un spectacle vivant, il parle que de la mort. Hein. Mais Donc voilà. Bah, mourir, hein. Voilà, oui. Donc il faut... C'est simple. Mais il faut se balader avec ce barda-là, quoi. Donc, il faut être dandiste à travers tout ça. Ouais, tout à fait. Mais pour ça qu'il faut, peut-être, pour ça que ces idées de provocation, de trucs comme ça, c'est peut-être des gens qui ont peur, qui parlent de ça. Moi aussi j'ai peur, mais peut-être moins. Un peu moins, mais grâce à ça. Mais peut-être aussi en réfléchissant sur ce thème-là. Oui, bien sûr. On a moins peur parce qu'on libère tous nos... Oui, heureusement qu'on a un cerveau qui nous permet d'être... Oui. Mais... Oui, on travaille un peu, on s'amuse à travailler un petit peu pour que tout ça s'apaise un peu. Parce que tout ce qu'on vit, on voit bien, toute cette violence, ces tensions, tout ça, c'est du stress, quoi. C'est du stress. C'est du mauvais stress. C'était très mauvais stress. Il y a du bon stress quand tu es quelques minutes avant le spectacle. Ça, c'est du bon stress. Quoique pour Brel, c'était du mauvais stress, c'est dégueulé, mais ça reste quand même... sans ça, il n'aurait jamais été ce qu'il était. Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas connu. Je ne sais pas ce qui... Ce qui vivait là-dedans. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, il faut aussi. Mais toi, en tout cas, l'intérêt, c'est un questionnement constant sur l'être. Oui, mais un questionnement qui se fait de toutes les façons. C'est-à-dire que c'est pas forcément un questionnement en termes uniquement de réflexion. Ça l'est parfois. Mais. Dans la monstration. Oui, par exemple, quand tu choisis, c'est tout bête, hein, tu vas choisir une tenue, un machin, tu achètes des trucs sur Internet. Tu... C'est, pour moi, c'est une écriture, ça, par exemple. C'est une écriture de dire, c'est, oh, ce masque-là il est vraiment incroyable. C'est formidable, Internet, pour ça, parce que toutes les boutiques du monde, après, je fabrique des trucs, j'en achète. Ouais. Mais c'est une forme d'écriture qui m'intéresse énormément. De se dire, qu'est-ce que je vais aller acheter? Je passe 3 heures à regarder ça, ça me plairait bien. C'est fatigant, en fait, aussi. Mmh. Et ben, c'est rigolo à dire comme ça, mais c'est une forme d'écriture et de réflexion. Et, parce que ça va le faire ou ça va pas le faire. Et il faut que ça le fasse bien. Et ça joue à pas grand-chose. Ou le meilleur. Oui. Et ça joue à pas grand-chose. Alors, tout ça. Et on n'en parle pas trop, mais moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse. L'écriture des paquets reçus par la poste avec les trucs qu'on a commandés pour voir si ça allait marcher, s'il faut les rebidouiller, s'il faut les recolorer, les découper. Alors, finalement, ça ne marche pas. Ou soit même ce qu'on fait. Se l'accaparer. Oui. Parce que c'est un art plastique aussi, quoi. Oui, parce qu'on prépare ça dans l'universel. Ce qu'on achète, c'est universel. Oui. On veut se l'accaparer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et bien, ce voyage-là de se l'amener à soi, c'est presque un côté un peu à la. À Michaud, quoi. Oui. Il y a une façon comme ça, c'est, il y a une poétique à commander des trucs sur Amazon ou ailleurs, peu importe. C'est là. Mais c'est mieux d'être plus underground qu'Amazon parce que. Tout est. Mais quoi que ça dépend, si tu déstructures à ta façon. C'est... Voilà, c'est-à-dire que tout ça raconte quelque chose. Cette universalité terrible de la machine qui envoie, elle raconte aussi quelque chose. C'est-à-dire que là aussi. Faut pas se fermer les trucs en se disant ah non, parce que tout ça raconte le monde dans lequel on est et on est là. Ça aussi c'est le réel, que ça nous, ce que ça nous plaise ou pas, c'est nous qui l'avons fait. Faut arrêter de penser que c'est les autres. C'est jamais les autres. Et ça c'est peut-être une manière de se libérer, de dire ah, c'est pas moi. Bien sûr. C'est... Ça me choque par contre. Et c'est une facilité. Aussi, ça me choque de croire que le monstre c'est l'autre. Ouais. Ça me choque un peu. Quoi. Bien sûr. C'est le miroir que lui me projette. Et puis s'interroger sur ce que qu'est-ce que c'est que ces propres, ces vraies fantasmagories. Alors on les met pas en pratique, d'accord, mais certaines fois oui. Mais on parle pas de ces désirs d'un d'inceste, de violence, de meurtre qui nous constituent, parce que sans ça, on fonctionne pas. Notre psychisme est fait comme ça. On aime ça. On aime ça, et puis c'est ça qui fait de la... Il faut bien les sortir, après on fait de la BD, on fait de... je sais pas quoi, du hentai, de la peinture, n'importe quoi. La littérature, la poésie. Tout ça, c'est la matière à quelque chose, donc... Ce côté, il faut se méfier quand même de cette espèce de terrible politiquement correct là, qui est devenu quand même redoutable. Alors c'est... En même temps, il faut toujours rentrer, on nous propose de rentrer dans des créneaux. Dans des créneaux, on peut être à l'extérieur de tout ça et vivre heureux et proposer une autre vision. Heureusement. Heureusement qu'il y a ça, oui. Il y a des gens comme nous. Ça me des micros, il y a des micros petites choses par-ci, par-là qui se rencontrent, qui se parlent. Bon, ça c'est un des bons côtés du web malgré tout. C'est qu'on se rencontre aussi par là parce qu'on peut, se dire tiens ça c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ouais. J'aime bien ce côté-là. Ça nous ouvre sur le monde en même temps. Ça nous ouvre sur le monde. Après, l'autre côté, c'est que c'est... Ça nous enferme chez soi. Ça nous aussi, enferme à la maison. Oui. Une ouverture pour mieux se refermer. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il n'y a rien d'absolument parfait, etc. C'est un peu comme un labyrinthe. Oui. C'est assez fascinant ce côté-là quand même. Hein. Ah, c'est un questionnement constant. Moi, je trouve que c'est assez fascinant. Oui. Mais ça, c'est une réflexion du 20e siècle, du 21e siècle. Du 21e siècle, oui. a fever, choking on you nightly. They tell me, son, we want you. Be elusive, but don't walk far. For we're breaking in the new boys. Deceive your next of kin, for you're dancing where the dogs decay. Defecating ecstasy, you're just an ally of the Legion. Locator for the Virgin King. But I love you in your fuck me pumps and your nimble dress the trends. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the rails. Because of all we've seen, because of all we've said, we all. One thing kind of touched me today. I looked at you and counted all the times we had laid, pressing our love through the night, knowing it's right, knowing it's right. Now I'm hoping someone will care. Living on the breath of a hope to be shared. Trusting on the sons of our love that someone will care. Someone will care, but now. Locked in tomorrow's double feature. Heaven is on the pillow. Its silence competes with hell. It's a 24-hour service, guaranteed to make you tell. And the streets are full of pressmen, bent on getting hung and buried. And the legendary curtains are drawn round, baby bankrupt, who sucks you while you're sleeping. It's the theater of financiers. Count them, 15 round the table, white dressed to kill. Oh, caress yourself, my juicy, for my hands are all but withered. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the stairs. Because of all we've seen, because of all we've said, we are the dead. We are dead. Aussi tout ce côté de l'anonymat, des internautes, pas de l'anonymat. Ah oui, mais, ça se masque. Oui. Et là, quand tu rencontres la personne, mais c'est pas du tout la même. Ouais, ouais. Tout ça, c'est assez fascinant. Et l'exhibitionnisme aussi. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ça parle complètement de tout ça. C'est-à-dire pour moi, d'ailleurs, Internet, j'ai tout de suite vécu comme une extension de la scène. C'est une scène à dimension XXX. C'est ça qui est fou, mais c'est une scène. C'est une scène mondiale, mais ça reste une scène. C'est pas plus vrai que ça. Et en même temps, c'est des vrais gens derrière, mais on les connaît pas mieux que ça. Et certains vont se créer une fausse identité. Voilà. Mais... on ne connaît pas les gens, mais pas plus qu'avant. Avant, c'était pareil, mais on ne s'apercevait pas. Les gens, ils tombent amoureux des stars, des vedettes, ils ne savent pas qui c'est. Ils tombent amoureux de quelque chose qu'ils ont vu, qui est une création. C'est une création. C'est des belles créations, parfois. Hein. Mais on ne connaît pas les gens. On connaît que les gens qu'on connaît, c'est tout. En même temps, c'est tout ce que l'on projette chez cette personne-là. Oui, oui, bien sûr, c'est juste des écrans. Oui, exactement. Ça sert à ça. Ça sert juste à ça. C'est la fabrication de... Et cette projection aide à la réflexion, au désir, à l'incarnation de soi, à plein de choses. Mais c'est du virtuel tout le temps. Le virtuel existe depuis longtemps quand même. Oui, oui. C'est pas Internet qui l'a créé, c'est pas l'informatique qui l'a créé. Il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Parce que sinon, on meurt. Non, c'est pour ça que la chair est intéressante. Et qu'elle est. Il faut rencontrer. Et puis que la chair est. Mais ça peut être aussi un outil de rencontre. Oui, c'est un outil de... ça l'est forcément, ça l'est. Hein. Dès qu'on publie quelque chose, on voit bien à quelle allure ça, ouais. Ça va. C'est gratos. Oui, normalement. Il paraît, on ne sait pas trop, on nous fait croire. Mais en tout cas, ça met... Oui, ça met bien sur le tapis, là, maintenant, il y a l'échelle de la monstration, de la création, du spectacle, de la... Bon, voilà, Guy Debord, hein, tout ça. C'est là, maintenant, quoi. Voilà, c'est vraiment là, sous nos yeux, on ne peut pas dire l'inverse. Et puis, nos vies, dans ce qu'elles ont de tangible, en parallèle, à côté, on arrive à vivre avec tout ça, quoi. Mais oui, il ne faut pas perdre de vue que c'est deux mondes... Parallèle. Tout à fait parallèle, oui. Il faut apprendre à les jumeler avec modération. Oui, exactement. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, la modération. Ouais, les modérateurs. Mais on n'est pas aujourd'hui. Là. Avant, dans les années 60, il n'y avait aucune modération. Les années 60-70, plus de modération. Ouais. Et là, les baby boomers là, ont commencé à trouver un mot parce qu'ils se sont tellement libérés. Ouais. Modération dans tout. Hein. La modération. Chez nous, il y a une publicité de la Société des alcools. La modération a bien meilleur goût. Et moi, je dis, ouais, la modération a bien meilleur goût, mais le goût n'a aucune modération. Oui, c'est vrai, si. C'est une bonne formule. Il faut prendre le mot puis lui faire faire une pirouette. La seule modération, alors c'est compliqué cette histoire de modération parce qu'on en devient vite aussi. Il y a beaucoup d'exemples de ça sur Internet, les forums, enfin, les modérateurs deviennent des espèces de perles à pudeur, de censeurs, tu vois aussi. Il y a ça. Ça c'est pas bon, mais ça c'est bon. Oui, ça c'est redoutable. Toujours pareil, écoute, il n'y a que le travail des intelligences qui est intéressant, quoi. Finalement, c'est pas en se réclamant d'une. Il n'y a aucune formule, il n'y a aucun guide, aucune indignation, aucune. Aucun étendard, aucun avatar qui remplacera une intelligence qui se travaille, quoi. Et je trouve qu'il n'y a que ça qui vaut. Bon, ça, c'est les personnes. C'est la beauté. Une intelligence affective, une intelligence avec deux. Tu sais, on entend beaucoup parler, on aimerait bien que Dieu soit humour plus qu'amour, quoi, temps, si tu veux, parce que ça en manque aussi beaucoup, quoi. Bon. Encore là, il faut désacraliser. Oui, mais c'est un travail. Il suffit pas d'en faire un slogan. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient convaincus d'avoir envie de ça. On parlait de Johnny, l'envie d'avoir envie. Ouais. Mais ça, c'est assez vrai quand même. Hein. C'est quand même assez vrai, quoi. Bon, ben voilà, on peut pas forcer chacun. On ne peut que compter sur un mouvement qui irait un peu dans un sens. Alors chacun fait un peu ce qu'il veut, ça tiraille à droite, à gauche. On essaye d'influer un peu dans un sens. C'est des affaires d'influence, quoi. Chacun à son échelle d'influer vers ce qu'il croit être bien. Et moi, c'est vrai que ce que je crois être bien, c'est quand même le temps de réfléchir aux choses et de s'apercevoir que c'est un peu amusant, tout ça, qu'il faut un peu se relaxer avec tout ça. Tu sais, c'est comme les gens qui... La scène, oh là là, qui en font tout un truc, les acteurs, machin, que si c'est l'endroit le plus paisible au monde, la scène. Alors bon, il y a des gens qui ont raison d'avoir peur dans certains pays, dans certains trucs. Ouais. Voilà, non mais peut-être pas. Voilà, oui, il faut que les acteurs se calment un peu avec ça aussi. C'est un endroit tranquille, c'est un endroit où on n'est pas très menacé, c'est un endroit de paisible où les choses s'expriment. Oui, on peut remettre en question des choses, on peut. Ouais, oui, c'est fait pour ça. C'est un endroit très propice, propice à la création. Ouais. Propice à la création. Mais tout comme peut-être son cerveau, ou son corps, ou son sexe, ou son. Tout ça, c'est des endroits propices au désir d'expression. Donc on peut les voir comme des choses un petit peu apaisées, quoi. Donc cette espèce de truc de calm down, de redescendre un petit peu, c'est vachement important, je trouve. Parce que sans ça, on ne peut pas faire les choses comme ça en hystérie. Non. Et cette hystérie, la frénésie, l'hystérie, etc., ça a besoin d'être un peu tempéré plus que modéré. Tempéré plus que modéré. Modéré, c'est encore... Et ça, je pense qu'on peut influer un petit peu là-dessus, sur quelque chose qui se détend. Et une vraie détente est propice à plein de choses fantastiques. Ah oui, parce que quand tu laisses aller un peu tout ça, quand tu décantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben c'est comme ça peut-être que tu peux aller plus loin. Oui, oui. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Il y a un tremplin très... très slovant, très... pas un tremplin violent. C'est-à-dire que sans ça, on est dans des paradoxes qui tirent tellement qu'on dit, bon, tu vois, je parlais des gens choqués, des trucs. Alors d'un côté, tu as des gens qui se prétendent des grands amateurs de littérature, de ce que tu veux, et puis d'autre côté, ils vont s'indigner, puis tu les remets devant, tu dis, mais qu'est-ce que. Alors vous, Sade, vous lisez pas Sade, vous trouvez que c'est pas bien, c'est de la merde, c'est quoi, c'est quoi. Et tu vois, bon, c'est de la poétique tout ça. C'est oui, alors bon, ils ne savent pas quoi faire, ils vont se retrouver coincés dans plein d'endroits. Non, il y a quelque chose qui est, faut laisser aller l'esprit partout où il veut aller, partout où il veut aller. C'est pas l'esprit qui tue les gens, alors, c'est pas vrai. C'est pas nous qui choisissons, c'est notre esprit. Oui, oui, il faut suivre un peu ça. Il faut suivre un peu ça. Tu parlais d'Artaud, tu parlais d'Apo. C'est-à-dire que l'être humain est capable de générer des formes poétiques, quoi. Et beaucoup de gens le sont, mais je ne parle pas de peindre des petites fleurs, je parle d'aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ça, c'est de la responsabilité de chacun d'écouter ça. Oui, oui. Oui, mais c'est un petit peu par. Quelquefois, ça arrange un peu de le sous-estimer. Quoi. Je crois, oui, ça arrange un peu. Bah, on a envie d'être dans sa vie, voilà, et puis pas aller voir trop. Voilà. Tu sais cette fameuse expression, là, ne pas se prendre la tête, c'est quand même. Par pitié, prenez-vous la tête, quoi, s'il vous plaît. Il y a un créateur chez nous qui s'appelle Tony Arcand, qui a fait le déclin de l'Empire américain. Oui, bien sûr. Hein. Et qui avait fait un documentaire qui s'appelle On est au coton, c'est les gens qui fabriquaient le coton, qui ont eu des problèmes aux poumons. Et puis, il y a ici. Aussi fait un film qui s'appelle Le confort et l'indifférence. Le titre est tellement beau, Le confort et l'indifférence. Alors quand on est embourgeoisé, on dirait qu'on ne se questionne plus, tout va bien. On veut aussi enrichir notre bourgeoisie pour notre. Oui, tout à fait. Et c'est une bourgeoisie qui n'a pas besoin d'apparence, c'est une bourgeoisie mentale. Oui. C'est l'autosatisfaction d'être. Ça commence par là. Hein, c'est une sorte de masturbation. C'est une vanité, c'est-à-dire que la vanité d'être, elle est à l'origine des pires choses, hein, je pense. Ouais. Des choses redoutables, quoi. Rien que de penser je suis quelqu'un, c'est redoutable. Hein, pour moi. Mais c'est prétentieux aussi. Ouais, ouais. Je suis quelqu'un. C'est déjà la pire des prétentions. On n'est rien du tout. On est un amas de cellules qui a la chance de cette trouvaille insensée, d'arriver à penser. C'est incroyable quand on voit. On a la chance aussi de se trouver sur Terre. Donc oui, bien sûr. On a un temps limité, donc il faut en parler. Oui, tout à fait. Moi, c'est à comme 100 000 ça. À l'heure. C'est comme ça que je vois les choses. Tout oui, à fait. 100 000 à l'heure. Non, oui. La plainte aussi, c'est terrible. Hein. La plainte, c'est quand même une mode redoutable. Ah oui, ben oui. La plainte. Non. Il y a des chansons avec des complaintes. Les complaintes, oui, il y a des plaintes. Tu sais, dans le folklore, les complaintes, on raconte, on relate, mais c'est beau aussi. Parce ça, c'est beau, on oui. On va puiser, on va... Mais au moins, ça, c'est une création faite à partir de ça. On relate, mais la plainte du quotidien... j'ai mal ici, ah oui, j'ai mal oui, là, oui, c'est oui, j'ai mal, mais on y va, on fonce. Ah oui, allons-y un petit peu. Quoi. Le spectacle continue. Ah oui, ça j'aime bien cet aspect-là. C'est pour ça, tu vois, que même dans tous les domaines, parce qu'on pourrait se dire après tout, Hollywood, Broadway, machin. Oui, ça c'est le bon côté de la chose. Show must go on, c'est amusant. C'est amusant cette idée qu'on y va, on le fait, quoi. Mais ça étourdit. On verra bien. Ouais, c'est ce genre de choses-là, ça étourdit. C'est pour ça qu'il faut se rassembler dans un endroit clos qui s'appelle le théâtre, qui s'appelle un livre, qui s'appelle une chanson. Oui, tout à fait raison. Et tu fais aussi dans la musique. Oui. Qui, moi? Oui. Oh, moi, là, je ne suis pas musicien, malheureusement. Non, mais dans ta... Parce que j'ai vu sur ton site que oui, tu fais des bidouilleries sonores. Oui, je m'amuse. Bon, tout le monde peut s'amuser avec le son aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Ben oui. Oui, ça, j'aime bien parce que je... Puis en plus, ça vient de chercher des notes intérieures. Oui, j'aime bien... Ça, c'est un domaine, par exemple, comme justement je ne suis pas musicien, c'est un des domaines qui est toujours intriguant pour moi. Changing isn't free. You read it in the tea leaves and side. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the savage year of 1984. Conceit, conceit, remember me. Yeah, you're an all-night movie role. You said it would last, but I guess we enrolled in 1984. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.